Chapitre 13. Un major désolé. On conçoit que le voyage que j'avais dû faire à Anvers, en compagnie d'un soldat allemand, m'avait un peu humilié. J'écrivis à ce sujet une longue lettre de reproche au major von Wilm lui-même, dans laquelle je lui relatais tous les incidents de cette journée. Quelques jours plus tard, je recevais de ce haut officier allemand une réponse à ma lettre, dans laquelle il me disait que mon arrestation provisoire avait été causée par une dénonciation, qu'il avait donné tous les renseignements désirés et désirables à la préfecture de police allemande, que tout était maintenant en ordre. Il terminait en me donnant de nouveau l'assurance que je ne serais jamais plus inquiété. Voici la réponse du major von Wilm. Traduction. Anvers, 21 mai 1915. Honoré monsieur Bélan. Je reçois à ce moment même votre lettre du 19. J'espère que votre comparution au bureau de police a eu un résultat satisfaisant. J'ai de nouveau conversé avec le chef de ce bureau et j'apprends que vous devez ce désagrément à une dénonciation. Tout est maintenant en règle et la chose ne se renouvellera plus. Sincèrement, signé von Wilm, major. J'ai réussi à ne jamais me départir de cette lettre pendant les 3 années de ma captivité en Allemagne, et même à lui faire franchir à mon retour la frontière allemande, à la barbe de la censure Bosch, la plus ombrageuse et la plus soupçonneuse qui soit. C'est un document que je considère de la plus haute importance. Le chef de la police allemande à Anvers y déclare sous sa signature que je n'ai pas à prendre d'inquiétude, que je jouirai toujours d'une parfaite immunité. Cette sécurité, toutefois, devait être de courte durée. Le 3 juin 1915, alors que je n'appréhendais pas sérieusement de nouveaux ennuis, 2 soldats se présentent chez moi et m'enjoignent de les accompagner de nouveau à Anvers. Je m'imaginais que cette fois encore, il s'agissait d'une nouvelle visite à un bureau quelconque et que tout cela ne saurait avoir de conséquences fâcheuses. Je partis donc sans la moindre hésitation, ne craignant nulle chose, ayant pour toute arme et bagage ma canne. J'étais bien loin de me douter que ce voyage serait aussi long qu'il a été. Et même aujourd'hui, de retour dans mon beau Canada, à la fin de l'an de paix et de grâce 1918, je ne saurais m'imaginer quand et dans quelles circonstances il me sera donné de revoir ce petit village de Cap-Hélène où j'ai vécu peu de jours, mais qui est tout plein de souvenirs précieux et impérissables. L'un des soldats qui m'accompagnait parlait le français. Il feignait de croire qu'il ne s'agissait que d'une formalité insignifiante, que le soir même je serais de retour à Cap-Hélène. À Anvers, les soldats me conduisirent rue des Récollets et me laissèrent dans une salle basse et sombre au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin de la commandanture, et dans lequel le major von Wilm lui-même avait son bureau. Dans cette salle, je remarquai un grand nombre de personnages à l'apparence peu rassurante. Il y avait là des hommes et même des femmes, aux allures plus ou moins louches. Abandonné là par mes 2 soldats, je regardais tour à tour les hommes, les femmes et le sous-officier de service. Je m'efforçais de découvrir quelle était la nature du lieu où je me trouvais. N'y réussissant qu'à demi, je me décidai à apostropher le sous-officier. « Eh bien, pourquoi suis-je ici? Qu'ai-je à faire? Que me veut-on enfin ?» Il levait les yeux tout bêtement et ne répondait rien. Il avait l'air de ne pas comprendre ou de ne rien savoir. Ma carte que je lui tendis avec un mot, pour le major, réussit à le mettre en mouvement. Il sortit un instant, puis quelques minutes plus tard, un officier se présenta et je fus invité à le suivre. Ce fut bien chez le major von Wilm qu'on m'introduisait cette fois. « Monsieur Bélan, me dit-il, je suis vraiment désolé. Des instructions nouvelles viennent d'arriver de Berlin, et je dois vous interner. » Je n'avais pas encore eu le temps d'ouvrir la bouche pour laisser échapper une parole de protestation qu'il ajoutait « Mais vous serez un prisonnier d'honneur, vous logerez ici, au Grand Hôtel, et vous y serez très bien traité. » Mais tout cela ne fait pas beaucoup mon affaire. D'abord, ma femme et mes enfants ignorent complètement ce qui m'arrive. Je dois retourner les prévenir à tout événement et aussi prendre le linge dont j'aurai besoin dans cet hôtel. » Visiblement embarrassé, ne pouvant pas accorder la demande que je lui faisais de rentrer à Cap-Hélène, ne fût-ce que pour 1 heure, et ne voulant pas me refuser, il ne savait trop que dire. Il hésita, fit quelques pas devant son pupitre, puis le Prussien qui était en lui reprenant le dessus. Il me dit « Non, monsieur, je ne saurais vous permettre de retourner à Cap-Hélène. Écrivez seulement un mot à madame, prévenez-la de ce qui arrive, et j'enverrai un messager porter la lettre. » C'est ce qui fut fait. Le major s'évertua à me convaincre que ma détention serait de courte durée, qu'il suffirait évidemment d'établir ma qualité de médecin pratiquant, qu'aussitôt que cette preuve documentaire serait entre les mains de l'autorité allemande, je serais libéré et rendu à ma famille. On croit facilement ce que l'on désire ardemment. Je me berçais donc de l'illusion que mon séjour dans les murs de cet hôtel ne serait que provisoire. Un jeune officier fut chargé de m'accompagner jusqu'au Grand Hôtel. En chemin, il me fut permis de m'arrêter chez un libraire pour prendre quelques volumes. Chez le libraire, je connus vraiment l'embarras du choix. Étant donné le peu de temps que j'avais à ma disposition et les circonstances particulières dans lesquelles je me trouvais, je fus assez heureux dans mon choix, et j'emportai les deux ouvrages suivants, « Les États-Unis au XIXe siècle » par le roi Beaulieu et « Henri N., penseur » par Lichtenberger. Quelques instants après, j'étais au nombre des pensionnaires du Grand Hôtel. Toutes les salles de cet hôtel, ordinairement à la disposition du public voyageur, avaient été converties en bureaux pour les militaires. Mon officier ayant échangé quelques mots avec certains de ces messieurs, on se mit à me regarder comme une bête curieuse. « Ce serait donc un Anglais, pensait-on ? » Oui, c'était un Anglais. Un Anglais d'une variété spéciale, d'origine et de langue française, mais un Anglais tout de même. Tous ces surboches, chacun leur tour, me dévisagèrent de leur regard peu sympathique. Enfin, on me conduisit à l'étage le plus élevé, on m'indiqua une chambre, on plaça à la porte une sentinelle allemande, qui eut bien soin de faire un tour de clé au moment où elle fermait la porte sur moi. On avait eu l'extrême obligeance de me laisser savoir que je devrais prendre mes repas dans la chambre même que j'habitais, que je devrais payer les frais de la chambre et de la nourriture. Sa Majesté allemande refusait de nourrir son prisonnier d'honneur. Le lendemain, vendredi 4 juin 1915, ma femme arrivait au Grand Hôtel d'Anvers où je me trouvais détenu. Elle était plus morte que vive, comme on le conçoit bien. Elle avait pu obtenir de la commandanture la permission d'occuper la même chambre que moi. Enfin, comme il faut subir avec philosophie ce qui est inévitable, comme c'était la guerre, comme des millions et des millions d'êtres humains étaient beaucoup plus malheureux que nous pouvions l'être dans notre captivité, nous acceptâmes avec une résignation parfaite les petits inconvénients auxquels nous étions condamnés. Le samedi, les enfants étaient arrivés à l'hôtel. Des fenêtres de la chambre que nous occupions, nous avions pu les voir traverser la cour intérieure et se diriger vers un bureau situé de l'autre côté de cette cour. Au moment où ils sortaient du bureau, où évidemment ils s'étaient rendus pour obtenir la permission de nous voir, nous entrons en conversation avec eux du haut de notre quatrième étage. Une première parole était à peine tombée de nos lèvres qu'une tempête éclata. Deux de ces militaires étaient sortis et nous lançaient « À bouche et gorge, que veux-tu » toutes sortes d'invectives à nous, là-haut, parce que nous avions adressé la parole à nos enfants, et aux enfants parce qu'ils avaient eu l'audace de nous répondre. Terrible provocation, en effet, que celle d'enfants échangeant quelques paroles avec leurs parents. Les enfants furent éconduits, et on ne peut plus cavalièrement, et nous fûmes privés de les voir ce jour-là. Le lendemain, une permission spéciale leur fut donnée de venir passer quelques minutes avec nous. C'était, je crois, le dimanche avant midi. Ce jour-là, vers midi, le major von Wilm nous rendit visite dans cette chambre d'hôtel convertie en cellule de prison. Un nuage semblait obscurcir sa figure. Il était mal à l'aise. Ses traits, son attitude même décelaient l'anxiété et le malaise. Il nous apportait une terrible nouvelle. « Je suis désolé, disait-il. Je suis désolé. Mais M. Belland doit partir aujourd'hui même pour l'Allemagne. » On imagine quelle consternation ce fut pour ma femme et pour moi. J'ose protester. Je rappelle à la mémoire du major toutes les assurances qu'il m'a données. Je répète qu'il était entendu qu'en ma qualité de médecin, je ne pouvais être privé de ma liberté. Je lui demande comment il se fait que les autorités compétentes à Berlin n'avaient pas été mises au courant des services médicaux que je rendais à l'hôpital, ainsi que chez la population civile depuis le début de la guerre. Et enfin, je fais tout un plaidoyer. Consterné, très embarrassé, le major balbutie quelques explications. Les instructions lui étaient venues d'une autorité supérieure à la sienne. Il avait tenté de donner des explications à mon sujet, mais l'on n'avait voulu rien entendre. Des ordres formels lui enjoignaient d'interner tous les sujets britanniques et de les envoyer en Allemagne sans délai. On avait disposé de mon cas en haut lieu. Toute récrimination était peine perdue. Le major avait pris pour l'occasion une attitude un peu hautaine que je ne lui avais jamais connue auparavant. « À 2 heures aujourd'hui, ajoute-t-il, vous devrez partir. Un sous-officier vous accompagnera jusqu'à Berlin et de là à Ruhleben, camp d'internement des civils de nationalité anglaise. » Après son départ, un voile de tristesse envahit cette lugubre chambre d'hôtel. Nous ne savions que dire. Nous avions encore 2 heures à demeurer ensemble, ma femme et moi. Ma femme avait insisté pour m'accompagner en Allemagne. Refus catégorique. Le major avait même eu la délicatesse de la prévenir que sa présence à côté de moi dans le court trajet entre l'hôtel et la gare n'était pas désirable. À 2 heures donc, le 6 juin 1915, le sous-officier se présente dans cette chambre d'hôtel à laquelle nous étions un peu habitués, depuis 3 jours que nous l'habitions, et où nous avions rêvé de nous faire un petit tome. les enfants n'étant qu'à quelques milles de nous, pourraient venir nous voir une ou deux fois par semaine. Tout était prêt pour le départ. Moment solennel, profondément triste. Je me séparais à ce moment de ma femme, ignorant, et c'était peut-être heureux qu'il en fût ainsi, que je la voyais pour la dernière fois. À 3 heures, le train entrait en gare de Bruxelles. Nous devions attendre à cette gare un train direct allant de Lille à Libau, Russie. Il entra, portant en inscription au-dessus des fenêtres des wagons les mots « Lille-Libau », les limites du nouvel empire allemand. À 4 heures, nous étions en route vers Berlin. Le convoi filait à bonne allure à travers les belles campagnes de la Belgique. Nous traversâmes Louvain, dévasté et incendié. Nous traversâmes également un grand nombre de villes et de villages qui portaient l'empreinte du bombardement et autres horreurs de la guerre. Dans la soirée, nous traversâmes Liège, Aix-la-Chapelle, et vers 9 heures, nous étions en gare de Cologne, l'estomac vide et l'âme imprégnée d'une profonde tristesse.